Le mardi 31 janvier, ici Dominique Lelièvre et les informations. Deux blessés de l'attentat de dimanche se trouvent encore dans un état critique. Elles ont été atteintes par 3 à 6 balles chacune, selon le dernier bilan du CHU de Québec. Les médecins sont cependant confiants qu'ils s'en sortiront. Ils refusent de s'avancer, par contre, sur la présence de séquelles à long terme. Parmi les 5 personnes blessées dimanche, un a déjà obtenu son congé de l'hôpital et 2 autres devraient aussi pouvoir quitter l'établissement bientôt. Et la vague de sympathie à l'endroit de la communauté musulmane est en train de se traduire en argent sonnant. À midi, pas moins de 170 000 $ avaient déjà été amassés en moins d'une journée dans le cadre d'une campagne de sociofinancement sur le web. Plus de 3 000 internautes ont déjà donné et l'objectif de financement de 100 000 $ est déjà bien dépassé. Selon le quotidien Le Soleil, l'instigateur de cette opération est le directeur d'une organisation caritative musulmane basée à Montréal et dont le directeur a déjà été l'imam de la Grande Mosquée de Québec. Étudiants et professeurs de l'Université Laval ont rendu hommage ce matin à Khaled Belkacemi, décédé dimanche soir lors de l'attentat. Monsieur Belkacemi, 60 ans, était professeur en génie alimentaire à la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation. Originaire de l'Algérie, il était décrit comme un homme passionné et engagé. Une minute de silence a été observée en sa mémoire. C'est l'une des 6 personnes à avoir perdu la vie dimanche soir. Plusieurs d'entre elles, rappelons-le, étant des pères de jeunes enfants. Enfin, l'Université Laval a lancé ce matin un nouvel institut féministe. Cet institut va rassembler plusieurs chercheurs et experts qui s'intéressent aux questions entourant l'égalité entre les hommes et les femmes, et ce, dans une multitude de domaines d'études. Le recteur Denis Brière s'est félicité la création de ce nouveau pôle d'expertise qui fait suite à de nombreuses initiatives féministes depuis les années 1980 à l'Université Laval. Soleil. Pluie, neige, vent, tempête, météo. Alternance de soleil et de nuages aujourd'hui avec 40% de probabilité d'averse. Le mercure devrait atteindre moins 10 degrés aujourd'hui. Demain matin, eh bien, ce sera ennuagé et puis de la neige va débuter. Accumulation de 2 à 4 cm. Il fera moins 8 degrés demain. Et ça se dégage jeudi maximum de moins 9 degrés. Présentement à Québec, c'est une faible neige qui tombe et on a moins 12 degrés, moins 19 avec le refroidissement éolien.